Comme une oreille. Une émission de musique. Une émission de musique. Une émission de musique sous licence libre. Salut, c'est Comme une oreille, émission sur les musiques sous licence libre. Une émission un peu particulière ce mois-ci parce qu'on n'a pas réussi à se voir avec Florian avant. On n'a pas réussi à avoir non plus de créneau en direct comme d'hab, cafouillage interne, et du coup on va faire une espèce de cadavre exquis où on enregistre chacun de notre côté la moitié de l'émission, voilà. Par contre, ce qu'on va faire comme d'habitude, c'est de se focaliser autour d'une thématique pour diffuser ces musiques sous licence libre. Et donc licence libre, je rappelle, c'est des musiques dont les auteurs ont décidé d'ouvrir les droits par rapport au droit commun qui est celui du droit d'auteur. Là, en imposant des licences tout à fait légalement, des licences Creative Commons par exemple pour les plus connus, ces auteurs-là ont décidé au minimum d'ouvrir les droits de diffusion. Ces musiques-là que vous allez pouvoir écouter, que vous allez pouvoir retrouver sur Internet ou sur disque, vous allez pouvoir tout à fait légalement les copier et les donner à vos amis, les diffuser à l'endroit où bon vous semble, sans forcément faire d'utilisation commerciale de ça, sauf si les auteurs vous en ont donné le droit, puisque les licences libres le permettent aussi. Voilà, donc du coup, en tout cas, ce qu'on va faire comme d'hab, c'est de se focaliser sur une thématique, et la thématique, ça va être la Lune. Voilà, une thématique arbitraire, comme souvent. Une thématique arbitraire, mais la Lune, c'est un astre quand même qui fascine. Et il est empli d'une assez grande richesse symbolique. Il fait à la fois travailler l'imaginaire, le rêve, les rythmes biologiques, et ce depuis très longtemps. Et donc du coup, il y a beaucoup d'expressions qui vont nous servir de fil conducteur sur l'ensemble de cette émission. Et la première expression dont je vais vous parler, c'est une expression que j'aime bien, c'est « con comme la lune ». Voilà. Alors, con comme la lune, ça veut dire une personne qui est particulièrement stupide. Alors, cette expression, elle daterait du début du XXe siècle, c'est relativement récent, et elle fait allusion à une mauvaise santé mentale. Au XVIIe siècle, on disait « a un quartier de lune dans la tête », en parlant d'un individu bizarre ou fou. Par ailleurs, la lune représentant une partie anatomique bien connue, et le con étant un mot péjoratif pour parler du sexe de la femme, voulant aussi dire stupide, on semble-t-il fait par la double métaphore montrer la bêtise de l'individu. Et pour illustrer donc cette expression con comme la lune, on va se passer un premier morceau. Un morceau assez punk que ne réuniraient pas nos amis de Box of Brats de Fort Calquier. Un morceau qui s'appelle À poil sous la lune. C'est un groupe qui s'appelle les Prouters. The biggest bad group of the universe of the valley of Chevreuse. Voilà, c'est un groupe de Massy. Et c'est tiré d'un album sorti en 2005 qui s'intitule Tout dans le rouge. We'll be right back. nouvelle expression, être dans la lune, c'est le contraire d'avoir les pieds sur terre. Et ça signifie être rêveur, distrait, on connaît bien cette expression qui est dite aux enfants souvent dans les carnets de correspondance. Et pour illustrer cette expression, on va écouter un morceau d'un groupe américain qui s'appelle Big Blood, qui vient du Maine, qui joue de la musique folk, c'est un quatuor, dans la plus pure tradition de ce qu'on appelle les primitifs folk, c'est-à-dire ce mouvement folk autour de la guitare instrumentale, un peu en marge, un peu brute, initié par des acteurs comme John Fahey ou Leo Kottke, par exemple, dans les années 70. Donc là, un morceau qui s'intitule Moon Perfume et qui est sorti sur l'album Sue Your Wild Days Tour de Big Blood, donc en 2007, sur le label Don't Trust the Room. Moon Perfume, le parfum de la lune. Je vous propose un autre groupe qui pourrait être aussi dans l'expression « être dans la lune ». Donc, pas les pieds sur terre, la tête dans les étoiles aussi, on dit parfois, distrait rêveur. Et ce groupe s'appelle La Vaste Offensive Horticole, c'est un programme, c'est le titre Sur la Lune, c'est issu de l'album Végétal Riposte, c'est du rock alternatif, c'est autoproduit, il y a peu de choses sur eux, vous pouvez en tout cas les trouver sur dogmasic.net et c'est en licence Creative Commons. Voilà une chanson qui parle d'elle-même, je vous laisse écouter les paroles et la musique tout de suite, La Vaste Offensive Horticole avec la chanson Sur la Lune. Nouvelle expression, aboyer à la lune, quand on crie inutilement contre quelqu'un. Alors on va illustrer cette expression-là avec un morceau qui s'appelle « Déhanché de la lune », un petit morceau chaloupé du groupe Sleepy John Corbeck, qui est un groupe bordelais. La sortie, là c'est issu de leur premier album, qui n'avait pas de nom, sorti en 2012 sur le label Los MS del Oso, dont on passe régulièrement des choses, le label de Oso El Roto. On écoute « Déhanché de la lune ». Où ça aboie ? Pas forcément inutilement. Nous continuons ce vaste programme lunaire avec deux groupes, Moon and Sun et Stanley Kubi. J'ai pas trouvé forcément une expression qui pourrait les relier, donc j'en ai inventé une, ça serait les couleurs et les saveurs lunaires. Voilà, Moon and Sun, c'est un groupe que j'ai trouvé sur le site auboutdufil.com, un nouveau site qui met aussi des artistes et des groupes en libre diffusion. Donc Moon and Sun, c'est le projet d'une artiste suédoise, Monica Tormel, et sa musique, elle nous dit, oscille entre les atmosphères sombres et certaines mélodies colorées. Et la chanson qu'on va écouter, c'est Salt and Indigo, le sel et l'indigo, issu de l'album The Wild Things, et ça a été écrit et enregistré à Curaçao, dans les forêts de Suède, et à Amsterdam. Elle nous dit que c'est un voyage à travers les paysages, changer les points de vue, un endroit où la réalité, l'imagination et le temps se confondent. Et ensuite, on écoutera Stanley Kubi, que j'aime beaucoup. Je l'ai sorti de ma Bible Tenia Solium, ma Bible de musique libre, qui est une compilation non marchande issue de Grenoble et ses contrées. D'ailleurs, leur site de Tenia Solium ne fonctionne plus. Du coup, on a dû rechercher Stanley Kubi, qui est un groupe de Paris et de Rouen, qui a tourné enregistré entre 2004 et 2011 avec Igor Posdorf, Jérôme Calfon, Macario, Packle et Track Bullington. La chanson qu'on va écouter s'appelle The Moon Was Blue and So Are You. La lune était bleue et toi alors ? C'est issu du 4 titres Dying for a Drinky. Ils ont sorti un album, Music By, et 4 titres et 7 titres. Voilà, Stanley Kubi avec The Moon Was Blue and So Are You. qui suivra Moon and Sun, Salt and Indigo. Voilà, je vous laisse avec des couleurs et saveurs lunaires. Salt and Indigo. Some lyrics, maybe. You and I dream them up together. You know, I'll go share the profits. I think I'll make the hit parade. The moon was blue, and so are you. And I tonight, she's mine, yours. She's yours tonight. And the moon is. Ah! Nouvelle expression, face de lune, pour parler d'un visage rond, qui fait une allusion à peine cachée à une autre partie du corps, hein, de l'anatomie. Donc, on pourrait illustrer cette expression, face de lune, on va écouter un morceau qui s'intitule « Pleine lune ». Pleine lune d'un producteur de dub lyonnais qui s'appelle Panda Dub, dont on a déjà passé des morceaux dans une émission comme une oreille. Et ici, c'est un morceau issu de son troisième album, celui qu'il a commencé à faire parler de lui. C'est quelqu'un qui tourne beaucoup aujourd'hui dans la scène dub, qui est vraiment un des fers de lance de la scène dub française. Et donc là, c'est issu de l'album Psychotic Symphony, sorti en 2012 sur le label Afterworks Production. Et on écoute ça tout de suite. Pleine lune. on continue cette programmation lunaire. Et il y a une expression qu'on connaît bien qui nous dit être bien ou mal luné. C'est l'astre lunaire qui aurait des influences sur nos comportements, voire nos caractères, qui influerait sur les caractères des individus. Au XIIIe siècle, on disait être dans une bonne ou mauvaise lune. Et ça signifie, comme je pense beaucoup d'entre vous le savez, être de bonne ou mauvaise humeur. Voilà, et là, je trouvais que ça allait bien avec les deux prochaines propositions que je vous fais d'écoute. La première qui s'appelle Greg Beaumont, que j'ai trouvé aussi sur le site auboutdufil.com et que vous pouvez trouver aussi sur jamendo.com. Et donc, c'est un artiste qui autoproduit une musique électronique assez originale, inspirée, basée sur des mélodies et des harmonies assez aériennes. On pourrait dire de l'électro ambiant avec des ambiances ethniques ou filmographiques. Voilà, je vous laisse écouter. Je dirais même que c'est de l'ambiant avec des sons, des teintes d'opéra. Et on suivra avec Tom Lamèche, qui est aussi quelque chose d'assez ambiant, je trouve, au niveau musical. Leur chanson s'appelle « Vert de lune ». Je l'ai trouvée sur Dogmazic aussi. Et c'est issu de leur album « Voyageur ». Et pas énormément de choses sur Tom Lamèche, mais je trouvais que c'est une ambiance qui donne des côtés un peu jazzy, voire latino. Voilà, et bon, leur chanson, c'est « La face cachée de la lune » pour Graham Beaumont et « Vert de lune » pour Tom Lamèche. Voilà. Je vous laisse voir si les humeurs sont plutôt bonnes ou mauvaises, s'ils sont bien ou mal lunés. Oh, Voilà, c'était Greg Beaumont avec La face cachée de la lune que vous pouvez retrouver sous jamendo.com avec beaucoup de chansons, de remix dans ces musiques électroniques ambiant. Et Tom Lamèche, je ne vous l'avais pas dit, mais vous pouvez aussi le retrouver. C'est un multi-instrumentiste. Il fait de la guitare, de la basse, du piano et qui propose une musique, on nous dit, à 95% d'improvisation et 5% d'électronique. Et vous pouvez le trouver sous jamendo.com aussi, avec plein de différentes chansons. Et il y a un site aussi, lamèche.zik, avec un z.free.fr. Allez hop, nouvelle expression. Faire voir les lunes en plein midi. Une expression un petit peu désuète pour dire faire croire à des choses invraisemblables. Comme expression, on peut utiliser aussi prendre des vessies pour des lanternes ou prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. En tout cas, des choses invraisemblables. Et des choses invraisemblables, pour illustrer ça, on va écouter un morceau qui s'intitule « Marée d'un mois sans lune ». Voilà, ça c'est invraisemblable. Et c'est un morceau d'un duo d'improvisation libre qui s'appelle Karst, qui est un duo genevois, suisse donc, composé d'un percussionniste qui s'appelle Cyril Bondy et d'un autre bidouilleur qui utilise des laptops, des objets, des anti-percussions comme il le dit, et qui s'appelle D'Incise. D'Incise dont on a passé déjà un morceau dans une autre émission, qui est musicien entre son système dub et musique électronique expérimentale. Là ici c'est donc vraiment un morceau d'improvisation libre. La lune en plein midi, le mois sans lune. C'est parti. Une expression, lune de miel. Cette expression donc, a pris forme vers le XVIIe siècle à peu près. D'ailleurs, je remercie Régeny hein, qui sur son blog nous a fait toute une liste d'expressions sur la lune en faisant des recherches historiques et tout ça, c'est très pratique. Donc ça a pris forme vers le XVIIe siècle et ça reprenait littéralement l'expression anglaise qui existait déjà, honeymoon, et qui signifiait le voyage de noces avec une connotation érotique pour les Anglais et du coup plutôt péjoratif pour les Français. C'était une reprise assez ironique, aujourd'hui c'est complètement passé dans le langage courant. Et c'est une allocation qui est aussi synonyme de bonne entente que l'on suppose de courte durée. Et pour illustrer cette expression lune de miel, on va écouter un morceau qui est tombé depuis bien longtemps dans le domaine public, qu'il s'agit de Honeymoon March, de Mosè Tapiero. Mosè Tapiero, c'est un artiste dont on connaît pas grand chose en fait, si ce n'est qu'il enregistrait au début du 19e, du 20e siècle, à peu près vers 1908-1910. Ce morceau-là, je ne sais pas exactement à quel moment il a été enregistré, mais en tout cas, c'était un virtuose de l'ocarina. Alors, l'ocarina, c'est un instrument de musique avant pas très commun, qui avance au début du XXe siècle était juste un instrument joué, enfin qui était un instrument traditionnel en Afrique, mais en Europe on l'utilisait essentiellement comme en jouet, mais c'est à la fin du XIXe siècle qu'il a été intégré comme instrument de musique classique. Et donc c'est une sorte de pipeau ovoïde qui ressemble à une tête d'oie, l'ocarina, et on va écouter ce que ça donne sur un enregistrement pur son Edison du début du XXe siècle, donc de Mosè Tapiero. Nous terminons ce programme de Comme une oreille sur la thématique de la Lune avec un groupe que j'ai trouvé que vraiment j'adore. L'artiste s'appelle Chromatic, la chanson Une étoile mélangée avec la Lune, trouvée sous Jamendo aussi. Vous le trouvez sur Free Music Archive. C'est vrai que moi je suis moins allé chercher une de nos bibles internet sur les musiques en libre droit de diffusion. Ils sont sous le label Le Colibri Nécrophile, qui a aussi un site où vous pouvez trouver sur archive.org, Le Colibri Nécrophile, qui est un label français qui sort des disques depuis 1998 ou 1999 dans un style hors norme, on nous dit. Et ce groupe chromatique est vraiment innovant. Je le mettrai dans l'expression pour terminer... forcément qui serait tombé de la lune, qui, vous le saurez certainement, signifie être profondément surpris ou reprendre contact avec la réalité, ce qu'on va devoir faire après 7 heures passées ensemble dans les contrées lunaires. Et on pourrait dire aujourd'hui aussi tomber de haut, voilà, sur une autre expression. Et chromatique, pour moi, ça pourrait être une expérience lunaire messianique. Il y a des expériences de messe qu'on connaît... dans les églises, les messes créoles, ben là on va proposer une messe lunaire avec chromatique et la chanson Une étoile mélangée avec la lune. Mm-hmm. Comme une oreille, juin 2017, sur la thématique de la Lune se termine. Vous avez pu écouter les Proters avec À poil sous la Lune, Big Blood avec Moon Parfume, Sleepy John Corbeck avec Déhanché de la Lune, Panda Dub avec Pleine Lune, Karst avec Marée d'un mois sans lune, Mos Tapiero avec Honeymoon March, programmation de Jean-Baptiste, et vous avez pu écouter La Vaste Offensive Horticole avec la chanson Sur la Lune, Moon and Sun avec Salt and Indigo, Stanley Kubi avec The Moon Was Blue and So Are You, Greg Beaumont avec La Face Cachée de la Lune, Tom Lamèche avec Vert de Lune, et pour terminer, Chromatique, une étoile mélangée avec la Lune. Vous pouvez retrouver Comme une oreille tous les deuxièmes lundis du mois à 11h sur les ondes de Radio Zinzine, en direct ou en différé, et rediffusion les dimanches qui suivent à 20h. Et ensuite, les émissions sont mises en ligne sur le blog de Comme une oreille, commeuneoreille-blogspot.fr. Bonne suite sur les ondes de Radio Zinzine. Une émission de musique sous licence libre.